essayons de nous accepter, créons des opportunités dans ce monde aux mille couleurs. Simplement la liberté, vivre et coexister, toucher de près le bonheur. Dans ce monde aux mille saveurs, on ne sait plus vivre avec le cœur, et chacun veut être le meilleur. Nos vies sont éphémères, enterrons la hache de guerre, inspirés de sagesse et de paix. Simplement vivre par amour, à l'abri du temps. Ladies and gentlemen, welcome to Milka's World.